Big up à Morgan, Pete et Ryan, sans qui cet album n'aurait pas été possible. Elvin, Mathilde, JNS, Spoon, F2R et Bone, on vous voit, Lambeau, tous les Nico, Val et James en direct d'Australie, Alex, Simon, Malo, la SBB, toute la clique. Un grand merci à tous ceux qui écoutent et qui soutiennent. La vérité, on vous aime les gars, c'est tout. C'est Alma One, salut toi, c'est Nauko sur une prod à Grammatique, juste pour kiffer le son. Oh, wow. Ça, les zéros d'oreilles. En direct du studio. Nico Roulin, joint d'hydroponique. Ouais.